بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام العلامة الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى عن المظاهرات. Il pose la question à الشيخ مقبل رحمه الله sur les manifestations. فقال الواقع أن التمثيليات والمظاهرات وكثير من الأشياء العصرية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام. هذا كلام إمام رحمة الله عليه. Il avait beaucoup de خبرة et du علم عن هذه الأمور sur ces choses. فقال هنا أن المظاهرات les manifestations tout ça c'est venu des kuffars. Ça fait pas partie de notre din s'est fondé sur le hikma, sur la sagesse. Notre din s'est fondé sur le bon comportement. Notre din s'est fondé sur la patience. قال الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل ينبغي أن تعلم أن التظاهر بهذه الكيفية ليس إسلاميا. التظاهر c'est le fait de manifester. C'est pour ça qu'ils ont appelé les manifestations. Le fait de sortir dans la rue avec des slogans, crier, même pour demander un haq, ça fait pas partie de notre din hada. قال فلا نعلمه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جماعة يهتفون بشعار واحد. الشعار c'est un slogan. À l'époque de النبي صلى الله عليه وسلم, ils ont subi des injustices. Kuffar Quraysh, ils leur ont fait du mal. Ils avaient des droits. Il a appelé. Ma'ahada, ils ne sont jamais sortis. Ma'an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la rue pour crier avec des slogans. Il a appelé. Hada, c'est venu d'où? Hada, c'est venu des ennemis de Hada al-Din. Fali hada, qala, wa laysa illa taqlidan li'a'da'i l'islam. Wa tashabbuhan bihim. Hada, c'est le résultat de quoi que certains musulmans. Ils manifestent et ils pensent que c'est légiféré, ils pensent que c'est permis, ils pensent que c'est la solution. Hada, c'est le fruit de quoi? Le fait de suivre haoula al-ada, le fait de les suivre aveuglément. كما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. انتهى كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من إلحاد الخميني في أرض الحرمين وكذلك de une autre رسالة قمع المعاند. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذه المظاهرات ces manifestations. Et à notre époque ça s'est multiplié et de nos jours encore plus, encore plus. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils manifestent. Ceux qui ont subi une injustice, tel jeune, il est mort. Enfin, les gens, ils manifestent. La moindre chose, hein, les gens, ils manifestent. Enfin, ils ont posé cette question à Sherman ibn Baz, rahimahullah. فقال لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج. Et pour lui, c'était pas la solution que les hommes et les femmes ils sortent pour manifester. قال ولكني أرى أنها من أسباب الفتن. C'est une cause parmi les causes de tomber dans le fitna. كما قال رحمه الله ومن أسباب الشرور. Ça cause beaucoup de mal. ومن أسباب الظلم. Beaucoup d'injustice dans ces manifestations. قال والتعدي على بعض الناس بغير حق. Ceux qui manifestent الآن ولا تغتروا. Ce qu'ils appellent المظاهرات السلمية en arabe. Les manifestations pacifistes. Au départ, ça part d'un bon sentiment, une bonne intention. ثم il suffit un mujrim ou un groupe, thumma al-fawda elle commence et les injustices. Les voitures elles sont brûlées, les vitrines des magasins cassées, combien de gens ils sont blessés, thumma les des affronts avec les forces de l'ordre. Il a est-ce que hada ça fait partie de notre din? Est-ce que celui qui répond à l'injustice par l'injustice, il attendra une solution? La solution c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a subi une injustice et qui réclame un droit demande awalan à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma applique les causes. فلهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة. C'est comme ça qu'on règle les choses. Le conseil, الدعوة appelée au bien, كذلك la patience. كذلك قال الطرق التي سلكها أهل العلم. كذلك on doit prendre comme exemple notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, ses compagnons رضي الله عنهم et les savants de la Ummah. Combien de savants de la Ummah ils ont subi des épreuves, des injustices? Est-ce qu'ils sont sortis crier dans la rue? Abadan. La patience c'est quelque chose de muhim. On doit avoir une éducation islamique, pas revenir la moindre chose qui nous touche taqlid al-gharb, suivre les ennemis de l'islam. كذلك لا تظن أن c'est une solution. والله بعضهم c'est ce qu'ils veulent. Que les jeunes ils crient حتى Après la manifestation, ils enferment celui qu'ils enferment, ils accusent celui qu'ils accusent. Oh, ils les laissent crier. Yahya Alain, ils donnent une réponse et ils leur font du mal d'un autre côté. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Abadan. La solution, c'est le suivi de notre prophète Mohammed alayhi salam. On est des musulmans. Et le croyant, le musulman, il sait que ce bas monde, c'est un bas monde fait de difficultés, d'épreuves. Enfin, il doit patienter. Il doit revenir au savant de la Ummah. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils l'ont questionné sur Kadhalik, sur les manifestations. Kadhalik, les manifestations, comme a parlé le Cheikh, c'est une cause pour diviser les musulmans. Ah, il fait une manifestation pour telle chose, un autre groupe pour une autre chose. Dans les manifestations, ils ne sont jamais d'accord. Thomas, quand il y a de l'argent, c'est autre chose, c'est une cause de division. La plupart des manifestations, des voitures volées, ou plutôt brûlées, des voitures cassées, et des vitrines de magasins cassées, ça c'est une injustice. Tu trouves, ils ont une demande à faire maintenant à l'État, ils font une manifestation, et ils cassent la voiture d'un autre qui n'a rien fait. Ou à lui-même, il demande un droit. Et il fait du mal au bien d'un autre. Est-ce que hada c'est ma'koul? Est-ce que cela c'est la solution? Fallait hada, tu trouves, oulala, ils réussissent pas. Ils réussissent pas, les manas, les ils font du mal aux autres. Ils demandent justice pour un jeune qui a été tué ou blessé ou enfermé. Dans la manifestation, eux-mêmes, ils blessent des gens. Bel ahyanan, il y a des morts. Fallait hada yu'qul? Qala, hafidhahullah ta'ala, wa laysat al-mudaharat bihal sahih lil mushkilat. ولكن الحل يكون باتباع الكتاب والسنة وما جرى في الأزمان السابقة أكثر مما يحصل الآن من الفتن. صحيح. La solution, c'est de suivre le Coran ou la Sunna. Et les générations qui étaient avant nous, eux aussi, ils ont été éprouvés. Wallahi alhamd. Les croyants parmi les prophètes et les messagers et leurs suiveurs, alayhim as-salatu wassalam, ils n'ont jamais manifesté. Ils ont patienté. Ils ont secouru din Allah azza wa jal. Ils ont fait des efforts. Ils ont fait des sacrifices. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés et il leur a donné la victoire. Wal'aqibatu lil muttaqin. Naktafi bihada. Wa illa fa ce sujet, il faudrait plus le clarifier dans une kalima pour montrer les causes, pour montrer les conséquences, pour montrer que la mahlil ilm en détail, les méfaits, il a akhiré. Lakin, hada c'était mujarrad tanbih par rapport à tout ce qui se passe de nos jours. Fan nasiha li. C'est de ne pas approcher ces manifestations. Ne pas approcher ces manifestations, beaucoup c'est de la comédie. Beaucoup c'est une cause pour te faire du mal. Tu as un droit, on t'a fait une injustice comme Atakadam, demande à Allah Azza wa Jal. Patiente. Kadhalik, si tu peux faire les causes, légiférer pour réclamer ton droit, fais-les et demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala at tawfiq. Fa nasiha, c'est de ne pas assister. C'est du désordre, les manifestations. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.